Fiancé en herbe, Georges Feydeau, 1886. Une salle d'études quelconque. René, 11 ans, et Henriette, 9 ans, sont tous les deux assis vis-à-vis l'un de l'autre à la table de travail qui occupe le milieu de la scène. Au fond, une fenêtre avec des rideaux blancs. Sur la table, des papiers, des livres de classe, des plumes et de l'encre. Au lever du rideau, ils apprennent leurs leçons, les oreilles dans leurs mains et marmonnent entre leurs dents. Maître corbeau sur un arbre perché. Maître corbeau sur un arbre perché. Ah, que c'est ennuyeux! Ça ne veut pas entrer! Moi, ça commence. Je sais jusqu'à fromage. Tenez dans son bec un fromage. Deux lignes déjà? Oui, et toi? Moi, je commence un peu à savoir le titre. Oh, tu verras, ça n'est pas très difficile. C'est très bête, cette fable-là. C'est pour les petits-enfants, mais on la retient facilement. Dis donc, tu les aimes, toi, les fables de La Fontaine? Oh non, ça n'est plus de mon âge. Mais qu'est-ce qui les a faites, les fables de La Fontaine? Je ne sais pas, mais il n'a pas de talent. Oh non! D'abord, pourquoi est-ce que ça s'appelle les fables de La Fontaine? Mais pour rien, c'est un mot composé, comme dans la grammaire. Rez-de-chaussée, arc-en-ciel, chou-fleur... Haricots verts! Parfaitement! Eh bien, moi, j'aurais appelé ça fable des animaux, plutôt que fable de La Fontaine. Parce que il y a tout le temps des animaux, et qu'il n'y a presque pas de fontaine. Voilà! Mais c'est évident, et on devrait le dire à l'auteur. Ah! L'auteur, ce qu'il aurait fait de mieux, c'est de ne pas les écrire, ces fables, hein. Car enfin, c'est à cause de lui qu'il faut les savoir. S'il ne les avait pas faites, on n'aurait pas à les apprendre. Et puis, à quoi ça sert-il, les fables? Ah bien, ça vous apprend des choses. Ah, par exemple, je voudrais bien savoir ce que nous apprend le corbeau et le renard. Mais cela t'apprend qu'il ne faut pas parler aux gens quand on a du fromage dans la bouche. C'est que c'est vrai. Oh, je n'aurais jamais trouvé ça toute seule. Oh, quelle bonne idée ont eu nos parents de nous mettre chez la même institutrice. Comme ça, nous travaillons ensemble, c'est bien plus facile. Oui, il n'y a que l'institutrice qui ne me plaît pas. C'est une paresseuse, elle ne veut pas se donner la peine de faire nos devoirs. Qu'est-ce que tu veux? Nos parents lui donnent raison. Et puis elle est cafarde, toujours moussier René, c'est être parti tout très bien. Fous pas sa foire sur les ongles. J'ai tiré cette chose à moussier papa. Et alors papa me prive de dessert. Elle est très embêtante. Oh, ça n'est pas rose la vie. Oh non, sans compter que depuis quelques jours, je suis très perplexe. Perplexe? Oui, c'est un mot de papa. Ça veut dire perplexe, quoi. Ah bon? Et pourquoi es-tu ce que tu dis? Je crois que papa a l'intention de me marier. Toi? Oui, enfin, je ne sais pas. Tu connais la marquise d'Angelure, l'amie de maman? Tu sais qui renifle tout le temps. Figure-toi qu'elle a acheté une petite fille. Alors j'ai entendu papa qui lui disait « Ce sera une jolie petite femme pour mon fils. » Moi, j'ai pas osé dire « Ah, flûte !» Parce que papa n'aime pas ça. Mais il me dégoûte, ce marmot, je ne peux pas le conduire dans le monde. Il bave encore. Ah, si cela avait été toi seulement... Moi? Oh oui, toi, je ne dirais pas non. J'ai de l'amitié pour toi, j'ai de l'amour. À quoi voit-on qu'on a de l'amour? Oh, c'est pas malin, il y a 36 manières. Nous jouons ensemble, par exemple. Tu me casses mon cerceau, je ne te donne pas de coup de pied. Ça prouve que j'ai de l'amour. Et quand c'est des claques? Oh, ben c'est la même chose, hein. Mais alors, j'ai eu souvent de l'amour, moi. Il y a eu beaucoup d'enfants qui m'ont cassé mes jouets, et je ne leur donnais pas de coups, parce qu'ils étaient plus forts que moi. Je ne savais pas que c'était de l'amour. Henriette, si tu voulais nous marier ensemble... Ah, je ne peux pas. J'ai promis. Toi? Oui, j'ai promis à papa que je l'épouserais. Mais on n'épouse pas son père. Mais pourquoi donc? Mais parce qu'il est de votre famille. Quoi? Il a bien épousé maman? Il me semble que c'est bien de sa famille. Ah, oui, mais ça, c'est permis. On peut épouser sa femme. Maintenant, tu sais, si papa veut, moi je ne demande pas mieux. Oh, tu verras comme je serai un bon mari. Jamais je ne donne des coups, moi, ou très rarement. Mais tu ne peux pas espérer, n'est-ce pas? C'est évident. Papa lui-même m'en donne des claques quand je ne suis pas sage. Ainsi... Mais oui, ça, c'est la vie. Dis donc, mais pour ça, il faut que papa veuille. S'il ne veut pas que je devienne ta femme, s'il tient à ce que je sois la sienne... Oh, ma chère, vous êtes une enfant. Quand vous aurez comme moi 11 ans, que vous aurez l'expérience de la vie, mais vous ne direz plus d'enfantillage pareil. Ah, vraiment, monsieur? Alors je suis un bébé, tout de suite. Non, mais tu es jeune. Eh bien, tu sauras que quand même on pourrait épouser son père, et ça, je ne crois pas que ce soit possible. Je ne vois pas d'exemple, en tout cas. Il n'y a pas moyen lorsqu'il a déjà une femme. Quelle femme? Mais ta maman. Mon maman, c'est pas une femme, c'est maman. Mais ça ne fait rien, ça compte tout de même. Et vois donc ce que ça ferait. Si tu épousais ton papa, tu deviendrais la maman de ton petit frère. C'est vrai pourtant. Et je deviendrais ma maman aussi à moi, puisque je serais la femme de papa et que je suis sa fille. Il n'y aurait plus moyen de s'y reconnaître. Non, mais me vois-tu ma maman à moi? Ce que je me gâterais. Oui, mais enfin, du moment que ta maman vit, tout ça tombe dans l'eau. Alors, il faudrait que maman soit veuve pour que je puisse épouser papa? Au contraire, il faudrait que ce soit ton papa qui soit veuf. Oui, enfin, maman serait partie au ciel. Oh, pauvre maman! Oh, comme le monde est méchant! Il veut que la femme meure pour qu'on puisse se marier avec son mari. Oh, c'est mal, c'est très mal! Voyons, ma petite Henriette, calme-toi. Sois un homme, comme moi. Je ne pleure jamais, regarde. Et tiens, je te dis, épouse-moi. C'est ce qu'il y a de mieux. Avec moi, il n'y a pas besoin que personne meure. Et puis tu verras, je serai si gentil. Oh oui, tu es gentil, toi. Et je veux tout ce que tu voudras. Eh bien, quand? Quand quoi? Quand veux-tu que nous nous marions? Dame, il faudra que nous en parlions à nos parents. Oh non, nous leur dirons après. Pourquoi pas avant? Ce serait plus convenable. Bah oui, mais s'ils disent non. Mais pourquoi veux-tu qu'ils disent non? D'abord, moi, quand je suis sage, papa ne me refuse rien. Je ne te dis pas. Mais moi, je suis d'avis d'attendre que ce soit fait. Et s'il se fâche, d'abord, il sera trop tard. Et puis, nous répondrons que nous croyons leur avoir dit. Ou plutôt que, n'ayant pas osé leur dire, nous leur avons écrit. Alors qu'ils n'auront peut-être pas reçu la lettre. C'est cela. Sur le dos de la poste, et vlan! Ah oui, mais voilà, monsieur le curé et monsieur le maire, ils connaissent papa, alors ils ne voudront peut-être pas. Qu'est-ce que ça nous fait, monsieur le maire et monsieur le curé? Marions-nous d'abord, nous leur dirons aussi après. Ah mais non, on se marie toujours devant monsieur le maire. Ah, ça c'est parce qu'on veut bien. Il se marie bien sans nous, lui. Nous pouvons en faire autant. Nous n'avons qu'à faire mettre sur du papier... J'ai l'honneur de vous faire part du mariage de René avec Henriette. Et ça suffira. Tu crois? Mais oui. Qu'est-ce que tu veux que ça fasse aux autres? C'est nous qui nous marions, après tout. Ça n'est pas eux. C'est clair. Par exemple, quand on doit s'épouser, on échange des bagues. Je te donne la mienne, tu me donnes la tienne, et c'est ça qui fait le mariage. Oui, mais j'ai pas de bague, moi. Oh, ni moi non plus. Oh, attends, je sais où il y en a. Il grimpe sur une chaise près de la fenêtre. « Eh bien, qu'est-ce que tu fais? Tu vas tomber !»« Laisse donc, je vais chercher des anneaux. Il y en a au rideau. Ah, là, en voilà deux. Oh, tant pis, je les ai arrachés. »« Oh, regarde donc, ils sont trop grands pour mon doigt. »« Tu mettras ça à ton pouce. Là, prends une bague et moi une autre. Et maintenant, mettons-nous à genoux sur nos chaises, comme à l'église. » Ils apportent tous deux sur le devant de la scène leurs chaises qu'ils placent sur le même plan, les dossiers face au public, et s'agenouillent. Là, c'est-il comme ça? Voilà. Donne-moi ta bague. Bien. Je te donne la mienne. Très bien. Eh bien, voilà. Nous sommes mariés. Vraiment? Oh, c'est pas plus difficile que ça? Maintenant, tu es ma femme, tu portes mon nom. Comment? Je ne m'appelle plus Henriette? Je m'appelle Renée? Mais oui. Madame René. Oh, que c'est drôle! Madame René, moi! Oh, allons-nous être heureux! D'abord, nous n'apprenons plus de fables. Tu en apprendras si tu veux, parce que l'homme doit travailler pour la femme, mais pas moi. Et puis, tu me mèneras au théâtre, aux premières, comme papa et maman, à l'opéra, à Guignol. Guignol. Je n'aime pas beaucoup qu'on voie ma femme dans tous ces endroits-là. Et puis tout ça dépend. Si papa me met au collège... Tu es mon mari, j'irai avec toi. Mais on n'y reçoit pas les dames. Et moi, tu comprends, il faut que j'y aille si je veux être militaire. Militaire, toi ? Oui, je veux me mettre général, comme mon oncle. Eh bien alors, je me ferai cantinière. On les reçoit, là, les dames. Je ne te dis pas. Mais non, c'est assez d'un militaire dans un ménage. Dis donc, et tu me donneras des diamants, des voitures, des joujoux. Ah ben, moi, je veux bien, mais c'est cher, tout ça. Oh bien, nous sommes riches, hein. Et puis, nos parents nous donneront. Qu'est-ce que nous avons, enfin ? Moi, j'ai 10 francs d'un côté, 25 francs que mon oncle m'a donné, 48 sous dans ma tirelire et 75 centimes dans ma poche. Oh, oh. 10 francs, tu dis ? Et 48 sous. Qu'est-ce que ça fait, 10 francs et 48 sous ? Oh, 10 et 48... 58. Tu sais, avec les 10, c'est très facile. Ah bon. Bon, 10 et 48, 58 quoi ? Sous ou francs ? Ah ben, je ne sais pas. Francs, ça vaut toujours mieux. Tiens, comptons chacun de notre côté. Tu dis 10 francs, 25 francs, 48 sous et 75 centimes, et moi j'ai 9 francs. Bien. 9 et 5, 14. 0 et 5, 5. 14 et 8, 15 et... 13. 15 et 13, 31. Et 18. Et 18, 63. 64, 65. Et 9, 133. 26 et 4, 35. 156 et 8, 153. Là, ça y est, je trouve 97. Et toi ? Moi, je trouve 859. Oh, nous devons nous être trompés. Oh oui, comment ça se fait ? Ah, ah bien, je sais pourquoi. Toi, tu as commencé l'addition par en haut et moi par en bas. Voilà. Ah, mais oui, c'est ça. Je commencerai toujours par en bas. On trouve bien plus. Enfin, tu vois, nous voilà tout à fait riches. Nous pouvons donc prendre un petit hôtel. Et là, nous recevons. On m'appelle Madame. Oh, Madame, monsieur votre mari va bien ? Mais très bien, Madame. Il sera bien désolé de ne pas vous avoir vue. Justement, il est sorti aujourd'hui. Il est allé à la guerre. Ah, vraiment ? Et vos enfants ? Mes enfants vont très bien. Ils doivent être grands. Oh, je crois bien, ma toute chère, l'aînée a 8 ans. Oh, comme ça grandit. Et il y a longtemps que vous êtes mariée ? Il y a 6 mois, chère madame, il y a 6 mois. Et patati, et patata. Oh, ce sera amusant de faire la dame. Et puis, il y a le voyage de noces. On s'en va tous les deux, tout seul, sans la gouvernante alors. On est des hommes. Et on va très loin, en Italie, en Turquie... À Saint-Cloud ! Oui, si on veut. Ah, oh, c'est beau d'être libre, de n'avoir plus à obéir à personne. Nous pouvons faire tout ce que nous voulons maintenant que nous sommes mariés. Et d'abord, plus de leçons. Plus de devoirs, plus rien. Et quand notre institutrice viendra, nous lui dirons « Mademoiselle, nous n'avons plus besoin de vous. » Et allez donc, l'institutrice ! Dansons la capucine, y a pas de pain chez nous, y en a chez la voisine. Oh, oh mais mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est ? C'est l'institutrice, c'est Mademoiselle Schlumann. Oh mon Dieu, et nous ne savons pas nos leçons. Oh bien, nous allons en recevoir. Vite, dépêchons-nous. Ils prennent chacun leur livre de fables et se mettent à répéter comme au lever du rideau. Maître corbeau sur un arbre perché. Maître corbeau sur un arbre perché.